On va peut-être vous demander de rester quelques minutes parce qu'on va réécouter le son mystère proposé par Mélia Roger qui vient de nous rejoindre sur le plateau et peut-être de le commenter en attendant les appels de la maison. On va peut-être répéter juste le numéro qui n'est pas mystère, 078 244 57 54. Dépêchez-vous d'appeler parce qu'il y a ce repas, ce plat du soir à gagner et cette place. Et plusieurs concerts, ouais. Oui. Le son mystère. Le son mystère. Le son mystère. Le son mystère. Bon, notre régie, qui c'est plutôt DJ à la fin, non, parce qu'elle a bien mélangé les transitions, les jingles, surtout le jingle du son mystère. Donc, je suis désolée, mais à chaque fois, je trouve qu'il y a deux fins dans ce jingle. Il faudrait vraiment le refaire. Deux débuts comme ça. Donc voilà, le son mystère, c'était la partie finale du jingle, de nouveau. est-ce que, Juliette, est-ce que vous avez une idée de ce son mystère? Au début, je croyais que c'était un renard, mais finalement, ça, peut-être c'est plutôt des oiseaux, je ne sais pas. Oui, quel type d'oiseaux vous avez? Ah, ça, Pas des oiseaux anglais, en tout cas. Ou après Brexit, oui, peut-être. Oui, c'est le même enregistrement de la fenêtre, mais après Brexit. Ah, attention. Un appel. On a un appel. Oui, allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Ah. Oui, bonjour. Je ne vous entends pas. Allô? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Allô, allô? Est-ce qu'il faut que je mette la radio pour vous entendre? Peut-être. C'est un renard. Finalement, ça, peut-être c'est... Ah. Peut-être... Allô? Je ne sais pas. Bon, là, c'est un gros mashup fait par notre régie, là, de l'autre... Est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Est-ce qu'ils ont gagné? Je crois qu'on a réagi à la réponse qu'elle entendait à la radio, en fait. Donc, attention, bon, on a perdu le premier participant. Est-ce que c'est le même? Allô? Oui? Vous m'entendez? Je ne vous entends toujours pas. Mais non, bon, je donne ma réponse alors. Je pense que c'est des mouettes. Ah. Voilà. Mais je ne vous entends pas. Comment on peut faire? Est-ce que vous nous entendez à la radio? Ben, après Brexit, oui. Ils sont bien dans la grosse délai là. I am sitting in a room. Yeah. C'est le moment expérimental de la radio d'Archipel. Peut-être je décroche, non? De la création. C'est... Bon. Bon, on attend un troisième appel parce que là ça commence à devenir marrant l'histoire. Bon, effectivement, j'ai appuyé sur le bouton gagner parce que j'entendais la radio dans le téléphone. Ouais. Donc la radio a gagné. Juliette Fraser a gagné. Mais oui. Vous entrez au festival ce soir, vous pouvez donc venir gratuitement au festival. Parce que normalement c'est pas prévu. Hein. Vous jouez dimanche, donc dimanche c'est gratuit, mais les autres jours. Mais peut-être je peux offrir la place à quelqu'un d'autre. Voilà, je pense. Peut-être manger deux repas. Oui, exactement. Ah, bah, ça, c'est sûr. Mais juste une petite précision, du coup, sur ce son qui a été enregistré en duo. C'est pas que moi, c'était aussi enregistré avec Grégoire, avec qui on a eu une petite chronique déjà cette semaine. Donc, il y a du renard, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi des grues cendrées. Donc, c'est un son enregistré au lac du Der qui est un point vraiment de la migration des grues. Donc, entre octobre et mars, il y a environ 40 000 grues cendrées qui viennent sur ce point, donc qui est vraiment à nord-est de la France. Et donc, c'est une espèce d'interaction dans la nuit, enregistrée donc avec un piège à son, donc des micros qui sont laissés sur le terrain sans qu'on soit là. Donc qui ont enregistré cette interaction complètement incroyable. On a 9-10 minutes de cette espèce de dialogue entre un renard et des grues. C'est les grues qui réagissent, À l'appel du renard. Mais il y a bien un renard en tout cas, et non des mouettes. Donc grues c'est un oiseau, donc Juliette vous avez bien raison, des oiseaux et un renard. Mais j'ai entendu l'accent français en fait, du renard. Ah ouais. Ah oui, ouais. Bah oui, oui. Ouais, c'est ouais. sûr. Ouais. C'est... Parce mais... que ce serait quoi le renard anglais? Est-ce que vous pouvez nous le chanter? Non. Non. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de renards à Londres. Non, ah, ah oui, en fait, oui. Mais j'ai pensé plutôt à renard à la campagne où je vis. Ok. Donc, ouais. Mais c'est quelle partie du son du le renard dans le renard, là, c'est un cri. C'est le début. C'est... Ouais, il fait... Oui. Oui, c'est ok. Et puis ça se termine avec les grues. Et ça se termine avec les grues. Ah, ouais, parce que j'ai pris juste un petit extrait parce que ah, je pouvais pas c'est, prendre. C'est pas Clara plus. Qui a mélangé les deux sons. Non, c'est ok. C'était pas, il y avait, ça faisait pas partie du jingle même s'il y avait le woof. Le woof, c'était pas le renard. Est-ce qu'on peut l'entendre encore oui. encore une fois? Attention. Il y a des jingles qui réagissent aussi. Ouais. Ah. Attends. C'est... Voilà. Ah ça c'est bien. Très beau dialogue, hein, oui. Mmh. Oui, c'est chouette. Cool. Très bien, ben merci. On a Juliette Fraser. Si quelqu'un veut approcher Juliette pendant la journée pour recevoir un ticket gratuit et manger avec elle en sa compagnie, il va venir au Festival Archipel. Il faut juste lui parler de renard et de grues ah, anglaise. C'est le password. Ben, merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. Merci. On va vous retrouver donc dimanche soir à 19h dans la Grande Salle, ici au Festival Archipel, avec Hypnotic Patterns du Three Voice Morton Feldman.